ni peu, ni trop. Car devant toi, amour, je suis sans voix. T'aimer en silence, te chérir à mon sens, c'est mon plus cher désir, ce à quoi j'aspire.